Chapitre 19e. Millevaux, un peu tourmenté en réfléchissant ensuite que pouvait comporter sa révélation, jugeait nécessaire de prévenir le capitaine. Il se rendit chez lui dès le matin, et l'empereur lui apprit qu'il avait été obligé à son tour de confirmer l'aveu, que d'ailleurs Pépin avait très bien pris la chose et que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il était occupé à lui décrire très gaiement l'impression qu'il avait ressentie au moment où Sylvie s'asseyait sur sa main. « Ça, c'est le premier jalon, » dit-il. « Après ?» La vieille Flora entra et lui annonça qu'un commissionnaire était dans la cuisine avec un paquet très lourd. « C'est de la part de M. Pépin, » ajouta-t-elle. « Il est en train de le déballer. »« Est-ce que Pépin nous ferait des cadeaux de noces ?» s'écria joyeusement le capitaine. « Au fond, c'est un bon garçon. »« Et puis il y a une lettre, » reprit Flora. « Apportez-la, sacrebleu, à quoi pensez-vous » L'enveloppe portait la suscription suivante. « À M. l'Empereur, militaire, avec prière de communiquer à M. Millevaux, médecin. » Ils se regardèrent, vaguement inquiets. L'Empereur ouvrit l'enveloppe et lut. « Mes chers camarades, les bons comptes font les bons amis et je vous restitue ce qui vous appartient. Nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, je me retire. » Connaissant vos habitudes, je pense que cet exemplaire unique vous suffira encore pour deux, et si je fais remettre le buste chez l'empereur, c'est parce que je sais que le vendredi était son jour. Nous partons, ma chère femme et moi, pour Florence. Inutile de vous déranger pour nous dire adieu, et encore moins au revoir. Cette fois, dit le capitaine après un silence accablé, c'est bien fini, et nous en sommes pour nos frais. C'est dommage. Et il regardait machinalement sa main droite. « Étrange chose que la vie !» murmura le docteur qui méditait, mélancolique, sur ce dénouement imprévu. « Il épouse celle-ci parce qu'il aimait l'autre. Il apprend qu'il était cocu et il en est ravi. Il sait que c'est par nous et il nous en veut. Sylvie le rendra-t-elle plus heureux sans nous qu'avec nous ? Ai-je eu tort ou raison de parier ? Et ne vaut-il pas mieux deux amis qui nous trompent qu'un seul qui nous dit la vérité ? » Il fit quelques pas vers la porte, toujours songeant et prêt de sortir. À propos, est-ce que tu as gardé l'adresse de cette Madame Soliman ? Pourquoi ? Pour rien. Ainsi s'achève Monsieur Pépin et Madame Pomme par Philippe Maquet.